Écoute, écoute. Hip hop forever. Écoute, hip hop forever. Ouais. Trop d'insultes, trop d'hommes chutes. Trop d'insultes, trop d'hommes chutes. Dans la pièce à son chic. Ouais. Trop d'insultes, trop d'hommes chutes. Dans la pièce à son chic chute. L'impro n'est pas mon fort, et rapper mon sens est fort, hip hop forever. J'm'efforce afin que mon texte prenne tout ça ce fort. Tu sens c'est fort, j'suis c'est fort, v'là le petit c'est franc qui sort son grand jeu. Loin l'époque des grands jeux, c'est dangereux. Dites à mon voisin, j'm'en bats si j'le dérange. Là où veille pour nous les enjeux, sur le terrain, ça connaît l'enjeu. L'état nous met en joue, les mots s'exportent pour quelques sous. Alors riposte avec clou, bou, clou, hache de bec, ça fait big, bing, bing, bing dans vos têtes. J'y crois encore. Même si je sais que toi tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. J'me bats encore. Même si comme toi de ce système j'suis déçu. J'pars en retrait, face à ma retraite, j'fais une croix dessus. Génération Picsou, en général y'a plus de sous. Comme beaucoup j'crache sur la vie chère. Un système qui pour lui c'est bien ce viscère. Alors j'tends, fais-moi tourner les grilles du loto foot. Que j'prenne ma mise et gagne des montants de ouf. Si on pousse, pousse les faux, on les aura plouf. Leur ruisseau d'or ne finira pas sur le banc de touche. Time touche, sors ta canne à pêche pendant qu'on s'en spiffe à 10. Ici on regrette tout sa fin du temps d'Alice. Ici c'est le 2 on s'active, non factice. Distribue mes rimes à la manière de ma factrice. Pas facile, le facteur change par là, ne tente pas trop. Je provoque en attendant la réussite d'un de ses patrons. Trop de bâtons dans les roues, danse de mon chargé de démons. Et ça tourne pas rond, mais gardons espoir et direction. Parents de demain, attention. Ramdek à tous ces darons barons. Fumeurs de barreaux et leurs très vilaines intentions. Ouais. Et leurs très vilaines intentions.